Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Conlambi Musique Jeudi, comme tous les premiers dimanches de chaque mois, de 16h à 17h, vous fait découvrir tout ce qu'on a pu trouver de frais, de novateur dans les musiques modernes antillaises provenant spécialement de Guadeloupe et de Martinique. On a démarré avec un remix inédit réalisé ce mois-ci par l'artiste Anno. Reprise, vous aurez tous reconnu, du Drunk in Love de Beyoncé. On rappelle qu'aujourd'hui, même si ça ne se voit pas sur Paris, nous sommes dimanche gras. Donc on aura une petite sélection carnavalesque spéciale pour ces nouveautés du mois de mars avant de reterminer en douceur. On enchaîne tout de suite avec un remix inédit disponible sur le Bandcamp de l'artiste Mimi Nelzi. C'est le remix de son titre James Bond Girl du EP Moon Reflection, remixé par 14KT, beatmaker de Chicago. Écoutez ça, exclusivité. James Bond Girl, James Bond Girl, James Bond Girl, James Bond Girl. James Bond. On poursuit dans les sons novateurs. On va vous faire découvrir une mixtape d'un artiste dancehall de Guadeloupe qui s'appelle Samix. Sa mixtape s'appelle Aeturi et contient 35 morceaux. Pourquoi on vous en parle ? C'est parce que, contrairement à beaucoup de productions actuelles, son beatmaker Dabla, donc de son label Genesis, a concocté un dancehall assez rugueux, hardcore, qu'on entend très peu dans les productions récentes, très marquées par l'autotune. Et voilà, on va vous faire découvrir ça avec deux titres tout de suite. L'homme s'appelle Samix. Ouais, mon le sam, never this. On compare contre Taliban, à nos cockpits, on pond à terre, fuck Brad Pitt, tout cas tout huit. On compare fumer Zem shit dans son bel coq, la guerre d'un pit, on fout, on gueule, j'y sape au pète, les au pompette. On compare marie pépette, les nous comprennent sans main, y'ont qu'à attraper mal tête. Dabla dit, y'ont nous c'est boss high tech, quand les filles ou à l'aise, elles vont piche net. On y sont pas pour juste fin 2016, on casse les zones yo, et sauce béonnaise, poupée ça fait yo cuit, on voyons des merguez. Oui, d'Hollandaise, qu'à voyer l'odeur, sur tes vétérans, ma faute élevé, puis bonnet, en cas de travail red. Fin chômage, un café des zones, même j'en la qui tonnait. Fox c'est au point sonnet, fouille au doigt, pas honnête, n'est pas disrespect. Hypocrite, machin doigt, machine en route, tuer yo toute fouette. Million d'autres balotés, zombie, pas fin, retirer ennemi, pas fin, sombre fait yo fait ennemi, pas fin, un mot de mouillou anonyme, pas fin, pas fin, zombie, pas fin, retirer ennemi, pas fin, sombre fait yo fait ennemi, pas fin, un mot de mouillou anonyme, pas fin, pas fin, on dira où. Même on bise vrai qui mounique à l'extrême, on pas bise thème. On y auto thème avec un touche, ma qui HTM, y'a fait copier. Y'a qu'à faire la peine, y'a pété. Dis-moi qu'on y a créé un cran. Alors ça capé ton grand, t'en géré con si tes grands crans sont bois d'air. Mais tu sais, afghan, qu'a fait y'a peu ta sang, qu'a goulé grand. Pas ni t'en appel, des verres ton plan. Pas bise sable, quand on caprin, quand on cavane, quand on j'attends. Pas check, moi, pas fou en bon temps. En cas écrit sans forcer, pas yo, ça frustre, même le défoncer. Yo est puissant, pas fin, retirer ennemi, pas fin, sombre fait yo fait ennemi, pas fin, un mot de mouillou anonyme, pas fin, pas fin, zombie, pas fin, retirer ennemi, pas fin, sombre fait yo fait ennemi, pas fin, un mot de mouillou anonyme, pas fin, pas fin. Un message à Danger, monsieur. Criminal au monde. Un message à Danger. Criminal au monde. Les kiss tombé qu'au coup de katana, ça pas banal. Fais simple si la déwa yo bise bat la chaman. Yo son se lève yo wa chaman, nous kachata yo se sakaron yo malade. Blot la kou, criminel oma, keke berdawa, la nigit se l'homme koni yo kase sakipa. Combinaison Guadeloupe Martinique sur la toute dernière mixtape de sa mix Aituri. Il était là en featuring avec Taiji. Deux combinaisons d'ailleurs à retrouver sur cette mixtape en libre téléchargement. On vous a dit on est dimanche gras, donc on va augmenter le BPM. On va se consacrer un peu à la danse. Toute grosse nouveauté de l'artiste dancehall martiniquais Taiji. Le son s'appelle Assise. Écoutez ça. Hey, Des. Why not like a lot? Assise. Voilà, on dit on s'en va quand on dit ça à 100%. Laissez-moi voir si ça on s'en fait à des fouchons. C'est la journée qui aime pousser un bouchon. Alors nous testons un nouveau mouvement. Position assis, assis. Je balance ça, on y veille à nous. Elle est assis, assis, assis. Fais des bombes, l'en fais pas de vagal. On parle plus, c'est hey, des sillets, sillets. Montez-moi un coup maintenant, on s'en fait. Sillets, sillets. Tout en panique, je s'en fait. Fais beau d'en faire l'homme, j'y s'attend, on fait du maïsé. Prends mon lac, attisez-moi, ça vous qu'elle est du même. Considérez-moi, cavisez-moi, ça vaut si bien chaud. L'on a dansé 6 et 1, 2, 1, pas mon lac, pas qu'à fais trembler. Dans mon lac, on lui l'est bien canté. Descends, j'y remonte, écoute, qu'est-ce qu'il a fait. Ça m'est joué si il n'y a pas. Assis, dans mon lac, ça on y veille à l'eau. Elle est assis, assis. Fais des bombes, l'on fait pas de vagal, on parle de spade. Sillé, sillé. Montez-moi, comment on s'en fait. Sillé, sillé. Tout en panique, chose à fait. Attends, maman, moi, l'eau. Wene pas chien les coco quand bien considéré au bas chabon moto. Kawasaki Gopo, pas me sans slow-mo. Wene à l'école à pousser baby ou ni plus code gauche droite. Comprendre il fait beau dans en fait c'est tac. Fais la concurrence, comprendre que c'est yo qui n'y fait spot. Quand c'est du lourd comme ça dans mon calme, c'est la fiesta. Position, position, position, position. Assis, assis, double up ça on y veille à nous. Wene assis, assis, assis. Fais des bombes, l'en fait pas de vagal, on parle plus. Hey, des sillets, sillets. Montez ma commande, on s'en fait. Sillets, sillets. Tout en panique, chose à aider. On dit ça, on dit ça, 100%. Laissez-moi voir qui ça, on s'en va qu'à l'ifouchon. C'est le jeune homme qui aime pousser un bouchon. Alors nous testons un nouveau mouvement. Il est comme nous frapper, frapper, frapper. Bachant, toujours bien la belle à charger. Ma main de coups de boule, la fesse à descendre en manière rachée. D'ailleurs, on confesse qu'on s'en va décracher. Assis, assis. Double up, ça, on y veille à nous. Elle est assis, assis. Fais des bombes, l'en fais pas de vagal. On parle plus, hey, des montez ma commande, on s'en fait. Sillé, sillé. Tout en panique, on chose à faire. Attends, attends, attends, attends. Positionne-toi bien, bien, bien, bien, bien. Attends, positionne quoi bien, bien, bien. Ouais, qu'on s'en. Ouais, actuellement. Veille, position. Sillé, sillé, sillé, sillé, sillé, sillé, sillé, sillé. Saisonne à l'idée, c'est maintenant. Expliquez-moi, moi, je vois que c'est. Africa descend. Si la va qu'on passe, L6 si place placé. Pas joué pinou. Fais comme un cac sous cac, même si ou bac. Même si c'est des belles tapes, tête dans bac. Carnaval, tu bloques, nous black. Boum boum, chaque pion l'offre full bon tac. Bon tout bac, mais on va cacoler all black. Boum, chaque à la caboum, tac, puis tac, frappe et goût. Si c'est des gars là, nous café monde dans ses chis. Malaga, bao, dégata, ma cac sous cac. Boum, tu rêves là. Expliquez-moi, moi, j'ai wap ma chéa. Expliquez-moi, moi, j'ai wap ma chéa. Expliquez-moi, moi, j'ai wap ma chéa. Vous êtes dans Conlambi, musique jeudi, musique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est dimanche gras, demain lundi gras, ensuite mardi gras, mercredi décembre aux Antilles. C'est le carnaval, donc à l'instant, c'était inédit, Macaque sous crack de Fock Lee et Chris. Et maintenant, on va écouter un morceau qui, s'il va être certainement l'hymne de ce carnaval, n'en a pas pourtant un sujet très très sérieux qui était la grève, les problèmes liés à l'essence dernièrement, le mois dernier, en Guadeloupe, en Martinique. On va écouter tout de suite le hitmaker Ridla avec le titre Tibidon. Vous chantez, mais c'est qui le patron? C'est moi le patron. Hein? Vous voulez faire les cons? Vous jouez dans mon argent? Eh bien, pas de gasoil, pas de sample. Hein? Ni grève? Oui, oui, monsieur, oui! Ah, olaye, olaye, mais où est-ce que tu es? Tibidon, tibidon, gasoil et sample. Ça, ça pas français. Je caché un bel état. Du monde qui a pris à danser. Population séquestrée. Obligée à aller chercher. T'as moins rouge, t'as moins blé, t'as moins blanc, t'as moins vert, t'as moins jaune. On est toutes couleurs. Grève là, t'as fait toutes couleurs. On est 5 litres, on est 10, on est 15, on est 20, on est 30, 40. Ah, ça, c'est homologué. On j'en cherché en voiture, on j'en cherché en patron. On j'en j'y mange des gens. On pas oublié à casa. Ani maîtresse, ani travail. Excusez-moi, et bougez vous ça. Bidon rouge, bidon blé, bidon blanc, bidon vert, bidon jaune. A tout bas moyen chasser. Oh, bidon, si bidon. Ridla qui dénonce la prise d'otages de la Martinique, de la Guadeloupe pendant la grève d'essence. On va terminer sur ce son pour la partie carnavalesque, pour tous ceux qui y sont ou qui n'y sont pas. Et on va redescendre en douceur avec deux grosses nouveautés de ce mois de mars, beaucoup plus posées, dans un style complètement différent. On va aller écouter un peu de rap créole en provenance de Guadeloupe. Et on commence avec le titre de Williams Café en featuring avec Eric P. Durand, Voléo, en hommage à la Guadeloupe. Mais les parents virés, on t'est tout près, ils disent l'année. On t'est qu'à parler créole, mais on t'est qu'à arriver, comprendre les pouffes aux amis. On la coule l'école, faut qu'elle monte et apprendre les. Nous en 89, mais c'est Claude, il go qu'à racher tol. Racher feuille, racher pied, bois, racher rêve, racher l'espoir. Ça qui dit qu'on ça qui pas de dîner, vignon. Mais pourquoi pour s'arriver, faut qu'elle nous prend un coup de diamant. On découvert, si y'a ma day, misicoca. Zoukadri, begin et compas. Sorbe, coco, pistache, grillé, si place la victoire. Toute histoire compète, la paix zamba. Pour des pompiers là-bas, t'es besoin internet. C'est de bon geste pour m'pour des pommes mango et grenet. Si en moins t'es capotant, admire tout couler. Mais en moins, bouche en moins, t'es assis tout doucet. L'année passée, en rentre collège, j'ai sorti lycée. Qu'on hologène, appuie là en partie, mais en virée. C'est vrai, peine en checké. En vrai, quelle couleur a été changé. Si bon, encore, t'es qu'à sentir ma con étranger. Puis en voler. On laisse la papille, on l'a, on est nommé femme, on est gomme, on est timo, on est mon gars, pas tes gommes, pour nourrir en famille. On est sac à dormi, on bas soleil, on bas la pluie, on est sac à vivre, à crédit, pour pé rouler, on bas droite. On est sac qui vrai, on est sac qui est mauvais esprit, on est sac qui aime bon Dieu, on est sac qui vit pas tant libre. On est sac qui on le respect, on est sac qui s'en fout, on est sac à marcher, doit être d'autres, mais vivre copandé. À force, vent, injustice et violence, vent et fuck, papillon, débat, poussé pour et pitié, flé à force et courage. Flé à l'espoir, flé à l'amour, flé à dignité. En temps assez, je reste en vrai pitié, flé à la foi. Et flé à pardon pour guérir toute vieille ma calice. Sagesse et humilité, vision si l'éternité. C'est en douce et à flé à l'évangile qui peut tout faire ça. Yeah. Puis envolé. Son la saga sorti fondé, qu'on se la mati malo. Pépon et pour on dédicace qu'on musique à Michel Malo. A pas tout divisé plio, que nous vansé à tes types au bouquet. Papillon continue et voler haut. Guadeloupe. On pourrait remplir toute une compilation avec tous les titres que des artistes guadeloupéens ont consacrés à leur île, aux papillons, la Guadeloupe, en remontant par exemple à Rêvant moins d'Admiralty, Guada de Dominique Coco, jusqu'à l'année dernière en 2013 avec un des meilleurs morceaux de l'année qui était Papillon de l'artiste Sway. Et bien là, grosse combinaison, Williams Café, Eric P. Durand, extraite de l'album de Williams Café, Sunny Day, le titre Voléo. Retenez-le, allez le chercher, vous en entendrez encore parler cette année. Williams Café, qu'on a eu l'occasion de recevoir dans notre émission Conlambi l'année dernière, et on reparlera très certainement avec lui de son album Sunny Day, déjà disponible. Encore une grosse combinaison entre deux artistes guadeloupéens, Star G et Nerka. Là, c'est tout nouveau, c'est sorti cette semaine. Premier extrait de l'album à venir de Star G, qui n'est pas encore disponible, mais allez voir ce clip très réussi à l'envers, Star G, Nerka. Qui genre, tu mal? Alors, encore fait vous-même, posez. Si mal, là, tranquillement, man. Oui, le volant, c'est hier pour un longtemps, man. Mal. Bon, frère, là, rapide, rapide. Bon, mais bon, allez, on va écouter. En tenue au rendez-vous galant, et vont galant, pédi ou en canon. Pas mal de moi, ou peut-être trouver ici Facebook là. Il allait, ding dong, ouvert, war, sans voix. On pure princesse, nubienne, femme guada. T'es qu'à coûter un petit son, à la bonne manière, ka, un petit gentiment. Si c'est au lâchis là, nous faut qu'on jamais senti. Il dit moi, ah ouais, il pas qu'à y a dans ces boîtes là. Il pas qu'à boîte comme cocole, peut-être juste un peu lève là. Ah ouais, m'a dit qu'à qui rise là. On dit alors au souhait là, c'est salon là qui pisse de danse là. Où j'en connais de bise là, mi esquise là pour vis là. Collé serré en l'air, on donne son amitié l'histoire. Où t'es qu'à danser, douciné. Là, il dit moi comme ça. Faut que j'y aille. On dit comment ça. La loi des 90 jours, quoi dans film là. On dit qu'on couillon qui pas qu'à rire, blague à rire là. Là, on ouvre porte là pour garder, qu'à dit moi. Au revoir. Quoi? Oh, bon, ça, ça fait de. Mon expédition. Ah, ça t'est bizarre. Si femme la sabon moyen en tête, on peut pas imaginer le genre de femme qu'on voulait au dîner, au petit déjeuner, nous compris à don boîte, en tes casques qu'on bête et vini bon moyen mouchoir, en l'ayant été ni six lettres, nous vignes nous pour conversation. Il dit moi il pas qu'à parler en l'eau. Ça y est, mais c'est action, et vêtant et c'est l'or. En femme accélérée, qu'à boire d'espé, qu'on s'y c'est de l'eau, coquine en bas chadaï, en six cailles déjà mené moi d'ailleurs. Il dit moi il qu'à vivre au nom du pèse et du fric, que mon jaloux ici taille, qu'à inima révèle le fils, qui pas ni fils, il pas ni fille, il qu'à vivre tout seul en casaï. Que si nous fait des autres, il pas ni combiné, veut voiser ou suivre. Mais c'est qu'on s'habite, elle a fait one shot. On pas dit ou qu'elle insé, ni un gros fait, c'est venu un gros. Enfin bref, est-ce qu'on veut s'en faire du latima? En femme qu'on sent, t'es qu'elle est sympathie, dis-moi. En comprenant, t'es un déven, mais t'as la bien givé. Depuis des mois, tous les jours, à casa, y'en t'a levé. En plus, si fidèle, femme la saïe, fait pour moi, y'a pas jaune là, que bon, mais y'en avait. En nous, elle pourrait y'en dévain. Pour moi, c'est qui en gilet local, à ça au cas là, ou bien vêtis femme là ça. Ou bien répéter en bas de l'eau, pas l'idée comme ça. Comme une femme connaître qui aime écouter JD là. Et veille un feeling naturel, so sweet, café 1m70, négresse et pas chabine. Wow, la chance, c'est moi plutôt zoukre et tout et puis salsa. Et gars, ça, j'en pas fait pour coup sans bain, couche là. Si mal, après 3 mois, couscoury pour un bisou, un pédit, il était 12 qu'on sick. Pas t'es déçu, en bien fait attendre, faut voir ça pour comprendre. 1m70, tatouage hibiscus entre les cuisses. Entre les cuisses. Attends, non pas comprendre, mais quand est passé? T'as moins les yon aussi ou ça? Ou qu'a délivré? A pas qu'à rigoler, yon tatoué en les cuisses gauches. Ou peut y avouer quand même que tout ça très louche. Mais qui n'en aille? Céline C. Céline ou bien l'INSEE? Céline C. Mais moi, c'est Céline, vous, l'INSEE. Attends. Vous dites-moi que, non, à fond, moi, c'est l'INSEE. Moi, c'est Céline, mais. C'est ça, dis-moi, ouais. Il qu'a fait nous à l'envers, là, l'INSEE, Céline. Il y a un tatouage en les cuisses gauches, aïe? Content moi qui a fait 1m70. Content moi. Quand on regarde ça, ça va faire. Hey. Mais Morgane, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, la sabonne. Tu veux qu'elle casse mon loup, mais pas. Oh oh, Olivier. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis chez ma soeur. Ah bon? Oh. Comme quoi, ouais. C'est nous qui comprenons toute bite à l'envers. À l'envers, dis-moi. Ouais. À l'envers. Nous-mêmes déjà pris à temps, on sent à l'envers, Star G, Nerka, extrait de l'album en préparation à venir très prochainement de Star G, entièrement produit par Real C, beatmaker du projet Dawick. Et l'album va s'appeler Return of the Boom Bap Creole. Vous êtes toujours dans Conlambi Music Jeudi. Pendant cette première demi-heure, vous avez pu apprécier les nouveautés, la sélection des nouveautés du mois de mars. On récapitule les artistes que vous avez pu entendre. Anno, Miminelzi, Samix, Taiji, Fokli avec Chris, Ridla, Williams Café, Rick P. Durant et donc Star G, Nerka. La deuxième partie de l'émission va être consacrée à la découverte d'un artiste hip-hop créole très talentueux qui vient de sortir son album Une Trace. Il s'appelle McFla, avec qui on a pu échanger, notamment sur toutes les références qu'on peut retrouver dans son album, car il cite énormément d'artistes dans l'album, et on a essayé de découvrir un peu l'album par ce biais. On va écouter d'abord un extrait, le morceau qui clôt l'album. On commence par la fin, le titre « Oupette Foi » avec en featuring Miminelzi. yeah, yeah. T'as là c'est bien pour t'as vous. Et que j'ai la guerre, les TV tout le temps. McFly, check. Pas qu'arrivé songer, premier fan nous l'année. Celui t'es en savé, ça qu'a fait de l'année. En l'autant j'ai passé, un café ou changé. Dis-moi ça qui passé, un café ou en danger. Là où rivé, où t'es fraîche, original. Qu'on nous fonne, et bon Dieu original. Allez ça différent, ça raide qui connaît fou. Ça qu'a fait nous la peine, les moun qui connaît fou. Jou après jou, il ça qui trahit, fallait éloigné des chaos, ou pète des chalets. Consommation, marqué début à maléao. Depuis où t'es fait tout t'es qu'à vivre à l'air. Allez tout ça fini. Et même pour une seule fois, avec un ou ini, parler de en seule voix. Les demain qui arrivé, nous gagnons un seul choix. Obligé de reconnaître que j'ai dit ou pète fois, ou pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo, ou pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo, ou pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo. On dit pour reconnaître, fais sans douette, yo, ou pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo, ou pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo, ou pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo. On dit pour reconnaître, fais sans douette, yo. Pour remonter, ou qu'il y a besoin, fais sans miau. Fin à la base, retrouver le fait famille. En péqué mantibao, nous qu'il y a pour ça goûter. L'idée pour corriger, qui manie au chatouné. Mauvais la ron, qui mettait, voici vieux chimé. Y'a pas vraiment aimé, c'est ça, en cas dit moins. Ça qui n'y l'a moubao, vle ou rive plus loin. En ça vaut besoin moins, alors j'en dis mi moins. En péqué j'en la gueule, avant rive en ciel. Pour que ça range pas, ou fin à l'essentiel. Ça y'a pas fait épure, pour moi ça démentiel. Toujours été pour même, c'est ça qui est essentiel. Nous voici c'est pour là, yo mette un bel poids. Assinant des meilleurs, peut pas faire un bel poids. En dit tant qu'un moins, toujours ni l'espoir. Obligé de connaître que j'en dis ou pète fois. Pète fois, mais dis-moi qu'il y a fait, yo, pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo, pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo. En dit pour reconnaître, fais sans douette, yo, pète fois. Mais dis-moi qu'il y a fait, yo, pète fois. McFly, ton album Une Trace, qui vient donc tout juste de sortir, revendique et chante un véritable amour pour le hip-hop. Le rap dans les années 90 avait l'habitude de rendre hommage aux pionniers, aux artistes favoris via des citations ou des scratchs. Et une des choses qui m'a frappé à l'écoute de ton album, c'est que justement tu y as énormément recours à toutes ces références. Je vais t'en citer plusieurs qu'on peut entendre sur l'album. Et pourrais-tu soit commenter s'il s'agit d'une véritable influence, ou plutôt avouer si c'était juste pour la rime ou pour un petit clin d'œil ? Une des choses qui a tendance à disparaître dans le rap, ce sont justement les scratchs. Et dès le premier morceau, Unlimited, tu cites et scratches Sky is the Limit, titre de Notorious B.I.G. sur une prod de Jim Juice qui sonne très New York, très DJ Première. McFly, Jim Juice, illimité. Continuez comme un fola, à papa se nous sentir il, nous peut pas mener au gros contribution. Check me out. No gimmick, contribute kiss, cast the limit. Unlimited, c'est un morceau particulier. C'est vraiment un morceau qui me permet de rendre hommage à une école qui m'a beaucoup influencé, l'école new-yorkaise. Effectivement, on a grandi avec toutes sortes d'influences, mais pour moi, l'école new-yorkaise reste primordiale. Notorious Big, c'était plus ou moins évident par rapport au thème du morceau Sky's the Limit. Quand on en a parlé avec DJ Gunshot qui a réalisé les scratchs, on s'est mis d'accord tout de suite sur cette utilisation-là. Et Jim Juice, lui aussi, nous a proposé un beat vraiment, vraiment, vraiment new-yorkais dans l'esprit. Comme tu dis, très DJ Premier à la base. Et ça m'a séduit, ça m'a parlé. Je voulais qu'on retrouve aussi cette couleur-là sur mon album. J'ai sauté sur l'occasion. C'est un vrai bonheur de collaborer avec ces deux personnes-là sur ce morceau. Et j'en suis très fier. Autre référence, honorer les anciens qu'on Rakim ou encore Della, Rakim de la Soul. McFly résolument old school. Résolument old school, je ne sais pas. Je préfère en tout cas qu'on n'utilise pas cette étiquette-là. pour me décrire. Je pense être assez ouvert d'esprit et ne pas être enfermé dans une époque. J'écoute beaucoup de musique actuelle, j'écoute beaucoup les nouveaux artistes. Effectivement, dans ma musique, on va retrouver des valeurs, des sonorités qui ramènent au hip-hop des années 90. Ça, c'est ma base, je n'y peux rien. Mais je refuse d'être catalogué comme rappeur old school. Comme dit Tismé, il y en a qui disent que nous sommes des dinosaures. Ben voilà. Si vous voulez nous appeler dinosaures, nous ranger dans un musée, libre à vous. Mais je ne pense pas qu'on soit dans cette case-là. Au contraire, on est vraiment ouvert sur tout ce qui se fait en ce moment. Il n'y a pas que les grands rappeurs qui ont marqué l'histoire du rap américain et donc mondial qu'on entend dans tes textes. Tu cites aussi les noms de plusieurs artistes locaux. J'ai retenu RK, Rachid, Conrash en Kamaché et également Easy Kenenga qui apparaît même deux fois. Je cite effectivement beaucoup d'artistes locaux dans ma musique. C'est une manière pour moi de leur rendre hommage. Et aussi de montrer que je ne suis pas seul dans ce combat-là. Avec les collègues, on se bat tous les jours, au quotidien. Et j'aime qu'à travers moi, certaines personnes puissent briller aussi. Que ce soit des personnes connues, des personnes de mon entourage ou des personnes inconnues. Par exemple, Rachid. Vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est un frère martiniquais qui m'a témoigné beaucoup de love, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, de respect par rapport à tout ce qu'il a déjà fait. Son album pour moi c'est un classique, c'est vraiment un classique du hip-hop créole et c'est tout naturellement que je l'ai cité sur mon projet. Des gens comme RK, Toon aussi, c'est des gens que je respecte aussi par rapport à leur apport, tout ce qu'ils ont fait pour le hip-hop créole il y a quelques temps. Radio Tambou, voilà, en tout cas c'est des noms en tout cas qui ne sont pas anodins. Ça revient dans ma musique parce que ce sont des gens qui ont contribué à leur manière à apporter quelque chose au hip-hop créole, que ce soit des personnes connues ou inconnues. Toutes ces références semblent montrer à la fois un passionné de musique, mais aussi un artiste qui n'hésite pas à mettre en avant ses collègues, comme on peut le voir avec les invités de l'album intitulé « Sobrement une trace ». Un titre qui m'a tout de suite fait penser au morceau de Dominique Coco sur la Cousa Boca, du même nom, une trace, auquel tu laisses carrément la place sur l'intro pour expliciter la référence. Est-ce que ça montre la place que tu laisses à tes références dans ta musique? Et quelle trace ou contribution entends-tu toi laisser avec ton album? Je regarde ma vie couler lentement comme l'eau de la rivière où je me suis posé. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien mettre en avant d'autres artistes, d'autres musiciens, d'autres personnes à travers ma musique. Dominique Coco, pour moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Je suis fan de Dominique Coco. J'aime énormément ce que fait cet artiste. Je le suis depuis des années, depuis que je suis tout petit, et c'est un honneur pour moi de l'avoir sur mon projet. Son morceau Une Trace m'a d'ailleurs inspiré le thème de mon album, son titre. C'est vraiment en écoutant ce morceau récemment, enfin il y a quelques années quand j'ai commencé à travailler sur le projet, que je me suis dit voilà, c'est dans cette direction là que je veux aller, c'est ce que je veux laisser aux auditeurs. Son album La Cousa Boca pour moi est un classique. Et le fait de l'avoir sur mon album en intro, c'est pas anodin. C'est vraiment un peu sous son signe que je place l'album. Et je pense que je ne pouvais pas rêver d'un meilleur parrain. Après, la trace que je vais laisser, la contribution que je vais laisser, c'est tout simple. C'est vraiment amener une pierre à l'édifice. J'amène ma vision des choses, j'amène mes valeurs, j'amène mon être dans le hip-hop créole. Et j'espère qu'à l'avenir, les générations futures et même les générations actuelles pourront s'inspirer de tout ça, se dire que voilà, le hip-hop créole, c'était aussi ça. C'est très vaste, le hip-hop créole. On a toutes sortes de courants, d'influences. Mais il y avait aussi cette patte-là, cette touche-là. Et je veux tout simplement amener ma pierre à l'édifice. Et tout faire pour sauver ma vie, celle de mon pays. Pour tromper mes ennuis, ceux de mon pays. Quelle place occupe la musique que tu écoutes dans ton inspiration pour ta propre musique? Deux morceaux semblent directement inspirés d'autres titres et non pas copiés. Kaki Kapassé, inspiré par le What's Going On de Marvin Gaye. Qu'est-ce qu'il se passe en français, Kaki Kapassé? Et Création à Bondier, par Menati de Stargy Exos. La musique, à la base, occupe une grande place dans mon inspiration. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup d'émissions, de documentaires à la télévision, j'observe autour de moi tout ce qui se passe, ça m'inspire donc forcément, mais je m'inspire beaucoup aussi à la base de tout ce que j'écoute, de tout ce que j'entends. J'essaie de rester ouvert et ça me permet de dégager des thèmes, de dégager des réflexions très très très souvent, très fréquemment. Sur Kakika Passé par exemple, la référence à Marvin Gaye était évidente parce que c'est vraiment un morceau, What's Going On, qui me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. C'est un classique personnel, c'est venu tout seul, j'ai pas calculé, j'ai pas réfléchi, ça s'est retrouvé naturellement dans le morceau. Café a ensuite enfoncé le clou en ajoutant des chœurs, il a vraiment aussi adhéré à cette idée-là, ce concept-là, et c'est vraiment une référence, je pense à ma manière, à ce morceau légendaire de Marvin. Création à Bondier, c'est sûr qu'il y a une référence directe au morceau Menati de Stargy Exos. Je l'ai d'ailleurs dit à Stargy, c'est sa phrase qui m'a inspiré le thème du morceau. C'est vraiment en écoutant ce morceau qui pour moi est l'un des meilleurs du classique Wojgouma Avieneg. C'est vraiment en écoutant ce morceau-là que Création à Bondier m'est venue. C'est une de mes réflexions personnelles qui a rejoint une réflexion personnelle de Stargy. Et voilà, c'est aussi ça la musique. On s'inspire l'un l'autre. Menati tellement belle, Menati tellement obligé quoi en Bondier. Créateur du ciel et de la terre, de l'homme et de l'univers. C'est qui l'alpha, c'est qui l'oméga. Il est l'origine de tout le bitin. Chaque jour en levé, il faut me dire merci. Chaque coup en couché, il faut me dire merci. C'est lui seul qui a fait si on nie tout ça, on nie. C'est lui seul qui a fait si nous nie tout ça, nous nie. Doyen universel, il sait papa nous tout. Et tout vend au théâtre, puis grand en nous tout bout. Les mains qui a genoux, il qui a mettre moi tout bout. C'est lui qui a bas ou force, les ou comprend nous bout. En solide qu'on iron. D'autres références intemporelles, non liées au hip-hop cette fois, qu'on peut retrouver au détour de tes lyrics, Aretha Franklin, qu'on Aretha chanté en la carrévassée, Bob Marley et Fela, auprès de qui tu dis chercher l'inspiration. Alors Aretha Franklin, tout simplement, pour l'anecdote, son morceau d'Edwin Min figurait en bonne place dans mon mariage. J'ai ouvert le bal de mon mariage avec ce morceau-là. C'est dire si c'est un morceau qui compte pour moi. Je ne prétends pas être un grand connaisseur érudit en matière de musique, mais il y a des morceaux comme ça qui me parlent, qui vont au-delà de la simple écoute passive, mais qui vraiment me plonge dans un état particulier. Et là, ce morceau m'a vraiment marqué, donc je tenais à lui faire un petit clin d'œil. Bob Marley, c'est aussi voilà, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré tout le long de mon évolution. C'est mon frère qui m'a plongé dedans quand j'étais petit et il m'a accompagné tout le long de mon existence. C'est quelqu'un que j'écoute encore fréquemment de nos jours et c'est un nom, je pense, qui est incontournable maintenant dans le monde de la musique. C'est vraiment une icône. Voilà, Fela aussi, c'est quelqu'un qui vraiment m'a inspiré, que j'ai beaucoup écouté à une certaine période. Et ce sont des noms que je ne glisse pas de manière anodine, mais j'espère en tout cas que certaines personnes, en écoutant les morceaux, en entendant ces noms-là, auront l'envie de se replonger dans la discographie de ces artistes-là, d'écouter quelques morceaux. Et s'ils ne les connaissent pas vraiment, de se pencher plus longuement sur leur cas. C'est tout simplement ça mon intention. Déjà faire des clins d'œil, des références, parce que ce sont des artistes que j'apprécie, mais aussi pour permettre à un certain nombre de personnes soit de découvrir, ou soit de se repencher sur la discographie des artistes cités. On a parlé d'artistes locaux, on a parlé d'artistes US. Avec cet album, tu es allé au bout de ton idée par deux fois au moins, en invitant Dominique Coco sur le titre « Mauvaise direction » en plus de l'intro, et plus inattendu, avec « Style » du bootcamp Click du groupe Smith & Wesson. Les deux morceaux sont d'ailleurs clippés déjà, donc allez voir ça sur YouTube. Yeah, General Steel. Boot Camp's finest, BCC's Black Panther on deck. My boy Mac Fly, you know how we gotta get it, baby. You know what I'm saying? It's rough out there. We gotta stand strong. Militant mind, criminal grind. Let's get it. Quelle satisfaction en tant que fan et en tant qu'artiste pour toi? J'ai tenu à inviter sur l'album des artistes qui me plaisent au plus haut point, qui ont nourri mon inspiration, des artistes déjà que j'aime humainement, parce que pour moi c'est important, je ne peux pas travailler avec quelqu'un s'il n'y a pas une belle vibe humaine à la base, et ensuite des artistes qui m'ont apporté quelque chose. J'ai eu la chance d'avoir Dominique Coco sur le projet, j'ai eu aussi la chance d'avoir General Steel, franchement ça c'était une bénédiction tout droit tombée du ciel, effectivement, et j'apprécie ça, déjà en tant que fan, parce que ce sont deux artistes dont la musique m'a énormément apporté au fur et à mesure, mais aussi en tant qu'artiste, c'est vraiment une ouverture, c'est vraiment une opportunité que je voudrais pas, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté en tant que qu'artiste, voir Steel travailler, échanger avec lui, il m'a donné des conseils, il m'a vraiment accompagné tout le long de la réalisation du morceau, du clip. C'était vraiment une opportunité sans précédent. Pareil pour Doko, c'est un peu comme je disais au début de l'échange, un parrain vraiment, vraiment rêvé pour mon projet. C'est vraiment des artistes qui m'ont énormément apporté tout le long de mon évolution, et c'est tout simplement une vraie bénédiction de les avoir sur le projet. Ces deux invités emblématiques me font penser aux deux principales couleurs qu'on peut entendre sur ton album Une Trace. Je dirais d'un côté le son hip-hop East Coast des années 90 avec une grosse présence américaine, New York, Philadelphie sur l'album avec General Steel, comme on vient de dire, John Robinson, une prod d'Ezekiah également, ton clip que tu allais réaliser à New York, et de l'autre côté la caco music que tu revendiques clairement en intro du morceau que je préfère personnellement, Pepa Fedeye, et sur plusieurs productions sur lesquelles on aurait pu moins t'attendre, comme Mauvais Direction ou La Gay, tout ça attribué d'ailleurs au compositeur Exos et également Doopsis. Je voulais savoir si c'est un objectif de mélanger, d'associer ces deux couleurs, et quel retour as-tu pu avoir dessus? Ok, Exos, Doopsis, Mafia, Kako Music. Les jours au combat Kakoumé pour libération. L'esprit enchaîné, aliénation et privation. Babylone en motion, qu'a agi assis les nations. Nous qu'a mené ration, bâti fille et bâti garçon. Nous qu'a porté bon son, tout te rafraîchit qu'on glaçon. Nous assis constriction, qu'on si nous même nous c'est maçon. On retrouve sur mon album, en gros, effectivement, deux couleurs. On a une couleur très traditionnelle, très boom bap, très années 90, avec des morceaux comme Unlimited, avec des morceaux comme Amour Suprême, et on retrouve aussi la patte Kako d'Exos, de Fony, qui sont très présents sur le projet, enfin pour Exos, qui signe au moins 5 compositions sur le projet. C'était volontaire, je tenais à ne pas m'enfermer dans un style particulier, parce que tout le monde s'attendait à me voir arriver avec des morceaux similaires à ceux qui composaient mon projet Peace Love, le premier maxi que j'ai sorti, et je tenais à montrer que je ne me limite pas uniquement à ça, qu'on ne devait pas me ranger dans une case particulière, mais que je pouvais aller au-delà de ce que j'avais pu proposer auparavant. Je suis très proche d'Exos, je suis très proche de Fony, qui sont deux beatmakers que je respecte énormément. Je n'avais pas encore vraiment eu l'occasion de travailler avec eux sur un projet long format. Et effectivement, c'est mon premier album solo, donc je me suis fait plaisir. Et cette couleur Kako me tenait vraiment à cœur. J'ai eu des retours un peu mitigés. Certaines personnes auraient préféré n'avoir que des morceaux entre guillemets traditionnels sur le projet. D'autres personnes ont été au contraire vraiment surprise et contente de me voir apporter cette couleur là aussi. Personnellement, c'est un choix assumé, je le revendique, ça fait aussi partie de ma personnalité, et je suis vraiment satisfait de ce que l'album donne au final. Voilà, palais nous niquer. Nous pas la pouffe et Babi pas qu'à faire nous paix. Nous pas la pouffe et pas la pouffe et nous capoter. Le son le plus atypique, pourrait-on dire, sur l'album, La Gueille, avec un rythme un peu plus proche des tendances trap actuelles, on va dire. Tu ne fais pas pour autant référence aux clichés de cette culture-là, on pourrait dire matérialiste, pour parler vite, mais plutôt à Bob Marley, Fela, Rakim, De La Soul. La Gueille, c'est un vrai délire. C'est le morceau lâché chivé de l'album. C'est vraiment le morceau où je ne me prends pas la tête outre mesure, je me lâche, je me fais plaisir. D'ailleurs, d'où le thème, La Gueille. Il y a des références qui ne sont pas forcément hip-hop dessus, ou des références qui ne sont pas clichés, comme tu pourrais dire. Bob Marley, Fela, Rakim, De La Soul. Mais c'est aussi pour attirer l'esprit de la jeune génération sur d'autres artistes. J'ai l'impression qu'en ce moment, quand je regarde autour de moi, au niveau de la jeune génération, les jeunes sont très focalisés sur un certain nombre d'artistes actuels, mais rushing à aller voir ce qui s'est passé avant dans la culture hip-hop ou tout simplement dans la culture musicale en général. Ils sont focalisés sur ce qui se passe maintenant, mais peine à tourner un peu la tête et à regarder ce qui a été fait avant. Alors je ne dis pas qu'il faut vivre dans le passé, qu'il faut forcément... rester dans la logique du le rap c'était mieux avant, la musique c'était mieux avant, non c'est pas ce que je dis. Par contre je dis qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait avant pour comprendre dans quelle logique on est maintenant, comprendre les tenants et aboutissants de la culture en ce moment et pouvoir avancer avec des bases un peu plus solides, tout simplement. Comme c'est le morceau qui peut-être pourrait parler le plus à la jeune génération, j'ai tenu à placer ces références-là sur ce titre-là. Fais-la, honorer les anciens qu'on va qui m'ont encore de là. Arrêtez dit qu'on s'en approche la quête ou fais pas. Coïncide, n'est pas un petit secret ou fais pas. Pour toutes les femmes du monde, toutes les femmes du monde, pour toutes les femmes du monde, toutes les femmes du monde. Toutes les femmes du monde. Dernière référence très sincère et qui pourrait peut-être surprendre certains pour un rappeur, c'est La Femme sur les titres Daydreaming et Amour Suprême. Je tenais à placer La Femme au cœur d'au moins un morceau sur mon projet. C'est important pour moi, c'est vraiment important. Je suis, je dirais pas que je suis féministe, ça serait peut-être mal compris, mais en tout cas j'ai un respect énorme pour les femmes qui nous entourent, les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je considère en tout cas que le morceau Amour Suprême qui figure sur mon album et le morceau Déduimine aussi, puisqu'ils se complètent plus ou moins, ce sont deux temps forts de mon album. Ce sont deux coups de cœur, ce sont vraiment des morceaux que j'ai pris énormément de plaisir à faire, qui pour moi sont importants. Il faut qu'on rende hommage aux femmes qui se battent au quotidien, qui sont là autour de nous, qui nous permettent justement déjà de venir au monde, puisque on vient tous d'une femme, jusqu'à preuve du contraire. Et je trouve que de nos jours, on a trop de clichés autour des femmes dans le hip-hop. Alors on va peut-être me taxer de papa, de rageux, de ce qu'on veut, mais la vision des femmes maintenant dans le milieu hip-hop, qui en tout cas est mise en avant dans les médias de masse, est vraiment très minimaliste, très très très très cliché. C'est toujours la femme en petite tenue, la femme qui est à genoux devant l'homme, qui cède à tous ses désirs, à tous ses caprices, la tentatrice, etc. Ou alors on a d'autres clichés aussi dans notre musique locale, c'est toujours la femme un peu matérialiste, qui est intéressée par l'argent, qui est intéressée par les choses matérielles, qui essaie toujours de pervertir l'homme, etc. Bon, ce sont des clichés qui me gavent un petit peu parfois, et je voulais aller au-delà de ça, je voulais proposer une autre vision des choses. C'est la mienne en tout cas, je ne prétends pas avoir la science infuse et dire que c'est la vision à avoir, c'est la bonne, etc. Mais en tout cas, c'est la vision que je tenais à proposer. J'ai énormément de respect pour les femmes, énormément d'amour pour elles, et je tenais à leur dédier au moins un morceau sur mon projet. Amour suprême. Yeah. Amour suprême. Nous t'avons, Backfla, merci de t'être prêté au jeu de l'interview pour Conelambi Music Jeudi, un peu sur tous ces artistes, toutes ces personnes qui ont laissé une trace sur ton travail et qui t'ont permis aujourd'hui de nous livrer cette belle trace laissée dans le hip-hop créole. L'album Une Trace, on le répète encore, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci, merci beaucoup à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer sur vos ondes. Je vous souhaite une bonne continuation, longue vie à votre émission. On a besoin de vous, on a besoin de personnes comme vous. Merci beaucoup encore. Bonne continuation. Peace love. Donc écoutez Conelambi en les fréquences Paris Pluriel 106.3. Adresse internet www.rfpp.net. C'était donc EDS dans l'émission Conelambi Music Jeudi. Vous avez pu découvrir l'album Une Trace du MC Macfla. MC très intéressant, on le remercie encore d'avoir participé à l'émission. On vous rappelle que le premier dimanche de chaque mois de 16h à 17h, vous entendrez tout ce qui se fait de neuf, tout ce qui se fait de frais en provenance des Antilles et du monde créolophone d'une manière plus générale. On vous rappelle que Conelambi, c'est de 16h à 18h tous les dimanches et on vous remercie.